Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors, je vais répondre très docilement à l'invitation qui m'a été faite de présenter mon ouvrage. Donc, je vais présenter cet ouvrage, mais je vais aussi dans la présentation, enfin profiter de cette présentation pour poser quelques réflexions, quelques diagnostics un peu sur la déontologie de la fonction publique. Alors je suis très heureux de présenter cet ouvrage parce que ça veut dire qu'il intéresse, qu'il a peut-être trouvé son public ou un public en tout cas. Et je suis aussi très heureux de le présenter parce que dans un ouvrage, on a toujours des idées, des envies, des désirs, des ambitions qui n'apparaissent pas dans l'ouvrage lui-même, mais qui ont évidemment motivé sa rédaction, motivé sa publication et qui ont déterminé son contenu. Et c'est une partie un peu de ses désirs et de ses ambitions qu'on a mis dans cet ouvrage que je voudrais évoquer aujourd'hui en faisant des digressions évidemment un peu sur c'est quoi la déontologie et en pratique comment ça se passe. Alors pour recontextualiser un peu les choses, tout de même, avant, je me permets de rappeler que quelques éléments. Ce manuel d'abord a été écrit à quatre mains avec Élise Intermayer-Carléo, maître de conférence en droit public, vous l'avez dit, qui est également référente déontologue des agents publics et des élus pour de nombreuses collectivités territoriales. Et elle dirige également le réseau national des référents déontologues et référents laïcité des centres de gestion. Et elle est membre de l'Observatoire d'éthique publique. Alors ce livre lui doit beaucoup car elle dispose d'une expertise aujourd'hui vraiment incomparable juridiquement sur les sujets, notamment les sujets de cumul d'activité, etc. Alors pour ma part, vous l'avez dit aussi, donc je me représente, professeur de droit public à Aix-Marseille Université et je suis cofondateur avec le député honoraire René Dosière et mon collègue et ami Mathieu Caron de l'Observatoire de l'éthique publique dont je suis aujourd'hui le vice-président. Alors, je suis également référent déontologue, notamment au CHU Caen Normandie et dans plusieurs collectivités territoriales. Alors, pourquoi évoquer tout ce pédigré, hein, c'est pas parce que j'ai envie de donner mon CV, mais c'est aussi parce que cet ouvrage, il se veut justement le fruit d'une expérience, le fruit d'une expertise que nous avons à côté de nos compétences académiques, une expertise de terrain que nous avons en fait en tant que référent déontologue et référent laïcité et même référent alerte parfois. Donc on ne se contente pas en fait dans ce travail de systématiser les règles juridiques, ce qui est déjà en soi une chose évidemment importante parce qu'il faut savoir aussi les présenter de manière pédagogique, mais on souligne aussi en fait la pratique, les difficultés d'application, les incohérences qui existent dans les systèmes dans le système déontologique aujourd'hui. Alors, encore une fois, pour recontextualiser un petit peu les choses, ce manuel, il s'inscrit dans une série d'ouvrages, en fait, qui est publié par PUF, dans une nouvelle collection qui s'appelle « Droit et déontologie », qui est dirigée par Joël Moret-Bailly, qui nous a donc fait l'amitié de nous proposer de rédiger celui sur la fonction publique, après un premier manuel qui avait été publié par Joël lui-même et Didier Truchet sur l'introduction à la déontologie et un second sur la déontologie des avocats. Et après nous, il y a eu l'éthique des affaires, la déontologie médicale, etc. Alors c'est intéressant de voir en fait cette série d'ouvrages parce que finalement ça montre la place qui est prise aujourd'hui par la question de la déontologie et qui me semble-t-il fait émerger finalement un espèce de champ un peu autonome en fait. La déontologie, on va y revenir, c'est du droit, mais c'est plus que du droit et on voit bien émerger quelque chose qui est de l'ordre finalement d'un ordonnancement un peu parallèle au droit, qui est intérieur, qui intègre la question du droit et qui s'intègre à l'ordre juridique, mais qui le dépasse un peu. Et quand on croise en plus ces différents ouvrages, il est extrêmement, et qu'on décloisonne un peu les disciplines, parce que c'est vrai que malheureusement la déontologie est abordée de manière très très cloisonnée à l'université, hein, on fait la déontologie médicale, des avocats, etc. Quand on décloisonne tout ça, on s'aperçoit en fait qu'il y a vraiment un phénomène intéressant de standardisation et de normalisation de la déontologie que j'essaie de mettre en exergue, d'ailleurs dans un autre travail à paraître, prochainement, enfin normalement parce qu'il est prochainement apparaître depuis 3 ans. Donc donc un ordre déontologique, la question que je pose ici, c'est un ordre déontologique est-il finalement en train d'émerger? Un véritable ordre est-il en train d'émerger? Alors, ce travail, il s'inscrit encore, et j'en finirai par là après pour la contextualisation, mais ce travail, il s'inscrit aussi dans une autre série d'ouvrages collectifs que j'avais décidé de publier au moment où on a créé, en fait, l'Observatoire de l'éthique publique, des ouvrages qui se veulent académiques aussi, mais pas uniquement, et qui veulent dresser un panorama de la déontologie dans différents secteurs, tout en faisant des propositions. Puisque c'est l'objectif de l'Observatoire de l'éthique publique, c'est faire des propositions d'amélioration du droit existant, du droit positif. Et on a fait quelques propositions qui ont d'ailleurs finalement été inscrites dans la loi, comme la création du référent déontologue auprès des élus locaux. Et on a également fait une autre proposition qui est la création d'un déontologue auprès du gouvernement que l'on attend toujours. Donc on avait plusieurs ouvrages. Donc on avait commencé par déontologie parlementaire, on a fait déontologie locale, déontologie de la haute fonction publique, déontologie de la justice, déontologie du Conseil constitutionnel, etc., pour faire un espèce de panorama en fait de la déontologie publique aujourd'hui au sein de l'État français. En parallèle, j'avais moi-même rédigé tout seul un ouvrage qui était le premier du genre, qui était l'ouvrage sur la déontologie politique à la suite de l'adoption de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, consécutive, on le sait, à l'affaire Cahuzac. Alors, le renouveau de la déontologie, d'ailleurs, est initié, amorcé dans l'activité politique et pas dans la fonction publique. Ça, il faut le dire. Et cette loi est vraiment une loi fondamentale. Elle est fondamentale à plus d'un titre. Elle est fondamentale d'abord sur son contenu. Sur son contenu, elle reconnaît pour la première fois la notion de conflit d'intérêts dans la sphère publique. Elle définit cette notion comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et un intérêt public ou privé de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Donc on a une définition en plus qui est très très riche, très claire. Elle supprime la CTFVP, Commission pour la transparence financière de la vie politique, en créant à sa place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Elle refond le régime de contrôle des déclarations de patrimoine et d'intérêts qui existent en France depuis la fin des années 80. Elle améliore ce système et elle le fait reposer cette fois-ci en plus sur une logique qui n'existait pas jusque-là, qui est une logique de transparence, puisque une partie de ces déclarations sont rendues publiques sur le site de la HATVP. Alors cette transparence, elle est importante puisque elle permet en fait à la société civile de s'approprier elle-même la fonction de contrôle, la fonction de lutte contre les conflits d'intérêts et de s'ériger d'une certaine manière en tribunal de l'opinion publique, pour reprendre les termes de Jeremy Bentham, qui est aussi celui qui justement a créé la notion même de déontologie, puisque c'est lui qui a inventé le concept à la fin du 19e. De ce fait, les alertes peuvent être plus facilement, normalement, effectuées sur la probité et les risques de conflits d'intérêts par cette nouveauté qu'est la transparence de la déontologie. Réforme fondamentale aussi, ensuite, car elle marque un point de départ à une succession de textes, ce qui permet d'évoquer, à propos des années 2010, un véritable moment déontologique. La France, qui était en retard sur les standards internationaux, notamment de l'OCDE et du GRECO, et sur le droit de certains autres pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, se retrouve aujourd'hui clairement à la pointe de la déontologie. On en parlait tout à l'heure, mais quand on parle des dispositifs déontologiques qui existent en France aux Allemands, ils sont stupéfaits. Ils sont stupéfaits, il n'y a pas à peine de régime déclaratif, il y a à peine de contrôle du lobbying. Donc on est vraiment aujourd'hui à la pointe. Donc s'en suivront en fait après ce texte la loi du 20 avril 2016, qui est celle qu'on traite énormément dans notre manuel, qui est relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 8 août 2016 qui étend la loi de 2013 aux magistrats judiciaires, la loi du 9 décembre 2016 dite Sapin 2 qui lutte contre la corruption, la loi du 15 septembre 2017 qui n'est pas la meilleure de confiance dans la vie publique, la loi du 6 août 2019, TFP, transformation de la fonction publique, la loi 3DS, etc. Donc on assiste véritablement à un moment déontologique et qui ne va pas concerner d'ailleurs que les acteurs publics, mais qui va concerner également les avocats, parce qu'on a une réforme importante là-dessus, les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, les experts comptables, une partie des professions de santé, etc. Donc on est vraiment dans ce grand moment déontologique et dans la mise en institution, en fabrication d'un espèce d'ordre déontologique que j'essaie donc de mettre un peu en exergue dans un autre travail. Donc une grande partie de ces textes concernent tout de même la sphère publique et ont intégré donc les avancées de la loi du 11 octobre 2013. Donc dans la fonction publique, nous avons l'intégration de la notion de conflit d'intérêts, d'un régime déclaratif pour une petite partie de la haute fonction publique, la création évidemment du référent déontologue auprès des agents publics, le contrôle de la haute fonction publique par la HATVP, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, c'est-à-dire le pantouflage, et plus récemment, alors qu'il n'a pas été intégré ici puisque c'est une loi du 25 juillet 2024, on a également une prise en compte de ce qu'on appelle les ingérences étrangères, et qui est un des vrais enjeux pour nos démocraties actuelles, et qui n'est pas étrangère, ces ingérences ne sont pas étrangères à la question de la déontologie, puisque finalement, on peut en partie les contrôler par le contrôle de la reconversion professionnelle et le pantouflage d'un certain nombre de responsables politiques et publics, et on peut également les contrôler par le biais du contrôle du lobbying. Et d'ailleurs, ce texte prévoit la création d'un nouveau registre sur cette problématique. Alors le manuel s'inscrit lui-même dans ce moment déontologique dont il est une des composantes, une composante académique, puisqu'il est le premier travail qui vient systématiser en fait en droit l'ensemble de ce nouveau corpus applicable aux fonctionnaires. Alors il existait déjà un petit ouvrage de mon collègue et ami Emmanuel Aubin sur le sujet, et puis il existait l'ouvrage que vous avez évoqué tout à l'heure de Christian Vigouroux, même si pour nous l'ouvrage de Christian Vigouroux, en réalité, en dépit de son titre, ne porte pas sur la déontologie, c'est un manuel de droit de la fonction publique en général, en fait. Donc, qui est d'ailleurs, bon, évidemment, d'une très grande qualité, mais qui ne portait pas précisément sur ce travail. De même, dans les grands manuels de droit de la fonction publique, on a évidemment des chapitres entiers qui sont consacrés à la déontologie, mais jamais la déontologie n'avait vraiment été isolée, en fait, d'une manière académique, dans un corpus, en fait, ayant sa logique propre, son autonomie intellectuelle, sa cohérence interne. Et alors, tout ce contexte-là est important, en fait, pour nous, précisément, parce qu'on a eu l'ambition de se démarquer, en fait, de ces travaux, par ailleurs d'excellente qualité, pour en extraire ce qui relève précisément de la déontologie, et précisément de la déontologie de la fonction publique. Alors, en consacrant ce manuel à la déontologie de la fonction publique, on a cherché à fonder une discipline académique, à l'extraire des autres matières dans lesquelles la déontologie est abordée, à l'identifier précisément et à en faire une matière à part entière. Nous considérons que la déontologie peut et doit être l'objet d'une discipline indépendante, dispensée à tous nos étudiants. C'est d'ailleurs le cas dans quelques masters maintenant qui offrent une formation à la déontologie. Alors il y a ici plusieurs objectifs. Il s'agit d'abord d'enseigner aux étudiants les valeurs attachées à l'exercice de la fonction publique, la noblesse de l'engagement en faveur du service public, les responsabilités et contraintes qui en découlent, mais qui en font aussi la grandeur par la capacité finalement des fonctionnaires et des agents publics à mettre de côté leurs intérêts au profit de l'intérêt général. Alors ce qui peut être assez difficile aujourd'hui, et je pense par exemple au contexte de développement des réseaux sociaux, qui font parfois oublier d'ailleurs aux agents eux-mêmes que le statut et leurs obligations statutaires les poursuivent jusqu'à chez eux, dans leur vie privée, parce que ces réseaux constituent ainsi un facteur de contentieux, en fait, pour certaines obligations déontologiques, dont celui de nature jurisprudentielle, qu'est le devoir de réserve. Et parfois même le devoir de discrétion professionnelle ou celui de loyauté, tant les agents publics aujourd'hui ont envie de, comme de nombreux autres citoyens évidemment, de s'étendre, s'épandre un peu sur les réseaux sociaux. Alors c'est aussi peut-être plus difficile aujourd'hui dans un contexte de discours politique en fait où l'on incite à avoir plusieurs carrières aussi au cours de sa vie professionnelle et où l'on n'hésite pas finalement à promouvoir les allers-retours entre public et privé, les revolving doors, en oubliant complètement les risques particulièrement élevée en termes de conflits d'intérêts, de prise illégale d'intérêts, de délits de pantouflage, de délits de favoritisme, etc. Ensuite, plus prosaïquement, cette discipline est incontournable à notre sens, car la déontologie est complètement imbriquée dans l'exercice du métier. Il est donc essentiel qu'elle soit connue avant l'entrée en fonction pour éviter les déconvenus, pour éviter les mauvaises surprises. Et oui, la fonction publique exige du fonctionnaire un devoir de réserve, une stricte neutralité, le respect de la laïcité. Et ce sont autant de principes que parfois les agents publics, notamment contractuels, découvrent. Et il n'est pas rare aujourd'hui que l'on recrute des personnes qui découvrent la nécessité de respecter le principe de laïcité et qui démissionnent à peu près en même temps qu'ils viennent d'être recrutés pour ces questions, d'où l'importance véritablement en fait aujourd'hui de former, d'enseigner la déontologie. Il est aussi indispensable de connaître ses droits et ses devoirs en cours d'exercice afin de garantir la réalisation de l'intérêt général qui, selon nous, sera déficiente si cet intérêt général est exprimé en fonction de ses propres intérêts, de sa situation personnelle. Une situation de conflit d'intérêts exige un déport afin de ne pas profiter de ses fonctions publiques pour satisfaire ses propres intérêts. La formation de la déontologie se comprend aussi dans une perspective de sécurité juridique, car vu la place accordée à la déontologie aujourd'hui, il devient impératif de bien la connaître si l'on veut éviter finalement la multiplication des annulations d'actes administratifs qui auraient été adoptés selon une procédure en défaut d'impartialité, selon le conflit d'intérêts de son auteur, selon le régime de conseiller intéressé par exemple, ou pour éviter des condamnations d'agents publics qui seraient trouvés en fait dans des situations bien malgré eux, entraînant par exemple une prise illégale d'intérêt. En conséquence, ce manuel, est un acte de militantisme académique, pourrait-on dire, c'est-à-dire la volonté de justifier qu'une telle matière s'impose dans le cursus universitaire pour des raisons liées à la volonté de réaliser un intérêt général qui soit le plus représentatif du bien commun, mais aussi pour sécuriser l'exercice des fonctions pour les agents comme la légalité des actes et des procédures. L'idée est là aussi de normaliser en fait la déontologie de la fonction publique et de ne pas en faire simplement quelque chose qui apparaît systématiquement après un scandale, après une affaire. L'idée, c'est de normaliser et de l'intégrer pleinement à l'exercice du métier sans jamais stigmatiser la corruption ou l'improbité des fonctionnaires, mais d'en faire une composante à part entière de l'exercice du métier. Alors, pour rédiger cet ouvrage, il a fallu réfléchir à la notion de déontologie elle-même. Évidemment, elle n'apparaît pas, cette notion, avec la loi du 20 avril 2016. Alors, je ne vais pas ici faire un historique, vu le temps qui m'est imparti, c'est inutile, mais c'est impossible plutôt. Pour résumer, on va dire que depuis, j'ai envie de dire, le Moyen-Âge, on évoque des textes ici comme l'ordonnance de Philippe le Bel, Saint-Louis avant. Depuis le bas Moyen-Âge, finalement, la déontologie, elle existe et elle participe à la lutte d'une certaine manière contre la patrimonialisation du pouvoir à laquelle on a pu assister aussi dans l'histoire avec le commerce des offices, par exemple, et puis beaucoup plus récemment, avec ce que les économistes appellent aujourd'hui la captation du politique par les puissances économiques, facilitées par des tas de situations qu'on encourage politiquement, paradoxalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les revolving doors ou la contractualisation de la fonction publique. Alors, pour aller vite, parce que je pense que je... Non, c'est bon, oui, il me reste un peu du temps. Très bien. À ce titre, d'un point de vue historique, on constatera, en tout cas, que le renouveau déontologique dont j'ai parlé à partir des années 2010 se caractérise par le passage d'une logique répressive à une logique préventive. Mais l'une n'efface pas l'autre. Il s'agit moins aujourd'hui d'organiser la répression de mauvaises conduites que de prévenir leur réalisation en anticipant par divers mécanismes de contrôle sur les situations de conflit d'intérêts, de dépendance vis-à-vis d'influences extérieures, etc. Alors l'un n'exclut pas l'autre, la répression existe toujours. Et on notera même que la logique préventive renforce la logique répressive, puisque en fait sont attachées aux obligations de prévention de nouvelles sanctions pénales pour les fonctionnaires qui ne les respecteraient pas, comme par exemple le défaut de dépôt d'une déclaration d'intérêt est assorti d'une sanction pénale. Donc en fait, on a un renforcement de la logique préventive, de la logique répressive par la logique préventive. Autre détail concernant ce travail, il s'agit d'un manuel de droit. Et ce point n'est pas anodin. Il convient encore aujourd'hui de batailler auprès de certains juristes et de certains collègues pour faire comprendre que la déontologie est aussi du droit et pas seulement un corpus d'incitations, d'énoncés non contraignants, purement déclaratifs, voire incantatoires, et que l'on rencontre donc dans les codes, les chartes, les recommandations, les avis, etc. Si pour nous la déontologie dépasse le droit, elle est aussi devenue depuis longtemps du droit. Il existe une déontologie non juridique, c'est vrai, qui passe par tout un tas d'actes, d'énoncés, d'incitations qui sont enregistrés dans la grande variété des codes ou des chartes de déontologie que l'on rencontre aujourd'hui dans la quasi-totalité des administrations et qui a été très tôt développée, on en parlait tout à l'heure, dans les services de sécurité, en fait dans la fonction publique, ce que Christian Vigouroux appelle les codes de force, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les administrations et notamment sous la forme de codes de charte de la commande publique. Aujourd'hui, la thématique du contrat public de la commande publique est extrêmement développée dans les administrations et on y reviendra peut-être. D'ailleurs, évidemment, il y a des enjeux ici en matière de corruption qui sont phénoménaux. Toujours est-il qu'il y a clairement un droit déontologique qui repose sur des obligations, des contrôles et des sanctions. Cette approche nous a amené alors à nous poser la question de qu'est-ce que la déontologie, comment la concevoir, comment la définir. Alors de manière très classique, la déontologie c'est l'ensemble des devoirs qui sont attachés à l'exercice d'une profession. Ce sont en général les différents principes du statut qui sont traduits en termes d'obligations, de devoirs, comme le principe de neutralité qui interdit d'exprimer ses convictions, le principe de dignité qui interdit d'avoir une tenue vestimentaire trop excentrique ou d'avoir des comportements irrespectueux, le principe de hiérarchie qui impose l'obéissance envers les directives de son supérieur et l'interdiction d'y désobéir, sauf... exception avec l'alerte. Il s'agit donc en fait d'une conception un peu restrictive, car la déontologie, pour nous, elle vise aussi les droits, en fait, les droits attachés au statut de fonctionnaire. Par exemple, le fonctionnaire lanceur d'alerte, d'où la nécessité d'ailleurs d'une formation et d'un enseignement pour connaître ce statut et pour en informer sur la protection qu'il peut procurer en fait aux agents, et puis on peut aussi inclure la protection fonctionnelle, par exemple, dans le statut déontologique. Donc il n'y a pas que des devoirs, il y a aussi des droits dans la déontologie, ce qui serait finalement assez contraire à la définition originelle qu'en donne Jeremy Bentham lui-même comme science des morales, la morale et science des devoirs, en fait. Nous avons donc retenu une approche plus substantielle de la déontologie qui constitue pour nous une matière qui transcende les disciplines académiques. Nous y incluons non seulement le droit disciplinaire, qui est le revers de la même médaille, hein, mais aussi le droit pénal, qui sanctionne les atteintes à certains principes déontologiques, tout particulièrement les délits pour manquement au devoir de probité du Code pénal, article 432. -10 à -16 du code pénal, comme prise illégale d'intérêt, corruption, trafic d'influence, concussion, détournement de fonds publics, etc. Nous y avons également inclus des délits non intentionnels ou les abus d'autorité, par exemple. De même, pour nous, la responsabilité civile et financière est directement en lien avec certains comportements contraires à l'éthique. L'ordonnance du 23 mars 2022 relative au nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est clairement un élément de la responsabilité déontologique telle que nous le concevons. La déontologie n'est pas donc cloisonnée, mise dans des cases séparées et étanches vis-à-vis des autres disciplines. Notre discipline déontologie transcende les clivages, les séparations académiques et juridiques, et nous y incluons le droit constitutionnel, administratif, fonction publique, pénale, financier, civil, dimension préventive, dimension répressive. En conséquence, Nous avons également une conception extrêmement extensive des acteurs de la déontologie, puisque nous visons parmi les acteurs de la déontologie, évidemment, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l'Agence française anticorruption, mais aussi aujourd'hui les chambres régionales des comptes, le parquet national financier, évidemment l'ensemble de la constellation aujourd'hui des référents dans la fonction publique, référents déontologues, référents laïcité, référents alerte, référents discrimination et harcèlement, et puis bien entendu parmi cette constellation, celui qui est le premier concerné et le premier porteur normalement d'une politique déontologique dans la fonction publique, le supérieur hiérarchique. Ce qui parfois fait un petit peu défaut, ce qui manque évidemment, et d'où l'intérêt de ce travail pour nous, qui est également de mobiliser au sein de l'administration les supérieurs hiérarchiques sur la nécessité d'un portage en fait en interne de cette politique de déontologie. Donc la déontologie se compose d'obligations qui définissent et dirigent les comportements d'un individu en vue d'exercer d'une manière légitime et dans les meilleures conditions son activité professionnelle, et qui régit même parfois sa vie privée lorsque celle-ci rejaillit évidemment sur l'activité professionnelle. Elle définit donc l'ensemble des bonnes manières d'agir en raison de l'exercice d'une activité dont elle constitue la carte d'identité ou bien le code d'exercice. Elle se distingue à ce titre des règles de savoir-faire qui traitent de l'expertise indispensable pour réaliser son métier. Alors une fois posé ce cadre et déterminé les frontières de la notion, il a fallu réfléchir à un ordonnancement de toutes ces règles. Le plan retenu, la présentation n'est jamais anodine et marque une conception de la matière. Quel principe faut-il mettre en premier? Sur quoi faut-il insister davantage? À côté des contraintes éditoriales non négligeables, les choix retenus déterminent le sens accordé à la notion de fonction publique. Faut-il insister sur l'obéissance hiérarchique et la loyauté, au risque d'avoir une connotation trop autoritaire, ou au contraire insister sur l'organisation libérale, ouverte, résolument tournée vers la réalisation de l'intérêt général, la satisfaction des administrés, etc. La déontologie interroge véritablement notre conception de la fonction publique, non seulement vis-à-vis des principes qu'elle contient, mais aussi de l'application qui en est faite. Mais il n'y a pas de lecture univoque. Ce n'est pas parce que les contraintes déontologiques sont strictes que la fonction publique est autoritaire. Ainsi, par exemple, la neutralité, notamment religieuse, est strictement appliquée aux agents public aujourd'hui, aucun signe ne peut être porté, même discret ou non-voyant. Mais cette contrainte très stricte se justifie par la volonté de souligner avec force l'indépendance et l'impartialité de l'administration, d'assurer aux citoyens qu'ils seront traités de manière égale, sans préjugés apparents. À l'inverse, une souplesse dans les règles d'incompatibilité, de cumul des mandats, de nomination, encourt des risques ou une multiplication de risques quant au conflit d'intérêts des agents avec le politique, avec l'extérieur. Et notamment en ce qui concerne la nomination, parfois un risque de contrôle du politique ou de politisation de l'administration sur de contrôle sur les agents, comme dans le cadre du spoil system à l'américaine. Ainsi, nous nous sommes interrogés sur la question de la place accordée au principe de hiérarchie que nous avions placé, il faut bien le dire au tout début, en tête de gondole des principes déontologiques à côté de notre tripartition. Pour nous, on a classé les obligations déontologiques en trois grandes catégories, hiérarchie, intégrité, expression. Or, nous avons souhaité finalement retenir une approche plutôt libérale de la fonction publique et notamment du principe de hiérarchie qui n'annihile pas pour nous la liberté d'expression dont doit bénéficier chaque fonctionnaire pour faire valoir son point de vue et son expertise, discuter collectivement des choix de politique publique ou d'organisation, tout en admettant évidemment que l'autorité in fine doit s'imposer. De ce point de vue-là, on est assez proche des conceptions développées par Anicet Le Pors. Il nous a semblé de plus que le renouveau de la déontologie était particulièrement axé sur la problématique de l'intégrité publique et de la probité des agents. C'est pourquoi nous avons finalement opté pour une présentation autre, en plaçant en tête de gondole la notion d'intégrité, qui est celle qui garantit pour nous plus essentiellement la bonne réalisation de l'intérêt général, qui ne peut résulter que d'acteurs dignes, probes, impartiaux. La notion d'intégrité est d'ailleurs devenue une thématique centrale dans la réflexion éthique et déontologique au sein de quelques pays, dont le Canada, où la législation et la doctrine ont tous deux fait émerger en fait un vrai bloc cohérent de règles et de réflexions autour vraiment de cette notion aujourd'hui qui est devenue une notion attrape-tout au Canada d'éthique publique. Celle-ci associe les préoccupations déontologiques plus classiques à des thèmes comme la discrimination, le harcèlement, l'alerte, etc. La suite de la présentation a été déterminée, vous savez que j'allais trop long, comme d'habitude, la suite de la présentation a été déterminée par notre ambition de nous adresser aux acteurs de la déontologie pour leur apporter aussi un guide pratique et pédagogique afin de répondre aux préoccupations les plus courantes qu'ils rencontrent. Ainsi, ce travail a été pensé à partir de la situation des référents de la fonction publique. On y a réfléchi en endossant le costume de référent déontologue que nous possédons tous les deux en pratique et en épousant leur point de vue, les questions les plus généralement abordées et les difficultés de l'activité. En fait. C'est pourquoi, par exemple, le manuel insiste beaucoup et avec précision sur la question du cumul d'activités, car il s'agit du principal sujet dont les référents déontologues sont aujourd'hui saisis et qui est particulièrement technique. De même, la question de la reconversion est une des thématiques qui soulève un niveau de saisine croissant des référents déontologues et qui montre combien les fonctionnaires, d'ailleurs, quand on s'y intéresse de près, ne sont pas formés à la déontologie, car nombre d'agents tombent des nues lorsqu'on leur apprend qu'ils ne peuvent pas pantoufler partout où ils le désirent, et surtout pas auprès des sociétés avec lesquelles ils ont entretenu des liens, sous peine de tomber sous le coup de la prise illégale d'intérêt qui est paradoxalement, par certains, complètement méconnu. La fonction de référent déontologue est d'ailleurs un très bon poste d'observation pour apprécier les évolutions de la fonction publique. Elle permet d'apprécier combien les demandes de cumul ont explosé, s'expliquant notamment par des salaires faibles dans les catégories B et C, pour qui, paradoxalement, les cumuls sont bien plus restreints que pour les catégories A et A+. Poste d'observation également pour apprécier la méconnaissance par les agents des règles relatives au pantouflage, comme je viens de le dire. Ce qui est frappant également en pratique, et qui a justifié que l'on insiste beaucoup sur la notion de conflit d'intérêt, c'est l'inaptitude, alors ça c'est pas du tout propre aux fonctionnaires ou aux agents publics, hein, c'est l'inaptitude des personnes à apprécier objectivement leur propre biais psychologique. J'ai rarement rencontré quelqu'un en situation de conflit d'intérêt qui l'admettait bien volontiers. Et quand la situation était reconnue, les personnes n'y voyaient en général aucune difficulté et étaient persuadées de rester évidemment tout à fait objectives et impartiales, de ne subir aucune influence dans leur prise de décision, en dépit des liens professionnels, familiaux ou amicaux qui étaient en jeu. En revanche, et vous y reviendrez sans doute tout à l'heure, on en a parlé, la fonction de référent déontologue ne constitue pas un observatoire de la corruption. Car il est saisi, ce référent déontologue, pour des cas individuels, par les personnes qui sont directement concernées. Or, celles qui prennent la peine de saisir le référent déontologue sont des personnes de bonne volonté, qui veulent bien faire. On n'est donc pas confronté directement à la corruption, notamment celle dite de basse intensité, qui a pris une ampleur considérable aujourd'hui dans la fonction publique, notamment dans le cadre du narcotrafic, et que la déontologie peine pour le moment, à mon avis, à déceler, à prévenir et à combattre. Pourtant, il s'agit à mon avis là de l'un des plus gros enjeux auxquels notre démocratie, notamment la démocratie française qui était moins touchée que d'autres jusqu'ici, va devoir faire face ces prochaines années. Raison pour laquelle il apparaît essentiel aujourd'hui de renforcer le rôle du référent alerte, qui est l'un des acteurs clés de la lutte contre la corruption. Or, le moins que l'on puisse dire est que cette fonction peine considérablement à s'implanter dans la fonction publique. L'ouvrage avait aussi ambition, et j'ai presque fini, de s'adresser, en tant qu'ils sont tous des acteurs de la déontologie, à tous les fonctionnaires, agents publics, élèves fonctionnaires, supérieurs hiérarchiques, afin de leur enseigner en fait une matière qui les suit tout au long de leur carrière. Sur le plan de la formation, il reste beaucoup à faire, mais les universités et les écoles de service public commencent doucement à offrir des cours sur la déontologie, en général assez peu d'heures, mais cela montre une prise de conscience progressive des enjeux. Mais quid des agents contractuels, qui sont ceux d'ailleurs pour lesquels on rencontre le plus de difficultés et qui n'ont pas eu de formation préalable et n'ont pas une connaissance attentive et consciencieuse des règles déontologiques. Et il n'est pas toujours question, dans les agents publics contractuels, il n'est pas toujours question des agents de catégorie C ou B. On trouve une ignorance complète de la déontologie dans la pratique notamment des revolving doors, très présente au sein de certaines directions interministérielles, donc au plus haut sommet de l'État. Je ne les nommerai pas. Dans la deuxième partie, quand le micro sera coupé. La déontologie trouve en grande partie son sens, certes pas exclusivement, mais quand même dans le fait de rendre un service aussi plus efficace, plus juste, plus adapté aux administrés. Il faut comprendre que la décision sera d'autant meilleure et efficace, encore plus représentative, j'ai envie de dire, de l'intérêt général, qu'elle aura été prise par des auteurs intègres et propres. En d'autres termes, la déontologie est incluse dans l'intérêt général. Elle en est un élément à part entière. C'est le sens du service public qui exige des contraintes et le respect de devoirs qui sont effectivement exorbitants par rapport à d'autres professions, mais qui font aussi la grandeur d'âme de la fonction publique à laquelle nous souhaitions rendre hommage à travers notre travail. Je vous remercie.